Ah, mes amis, quelle histoire! Comme en ce moment, j'ai une mission, m'occuper de la préparation physique des filles de Roland-Garros, je me calme un peu en faisant des travaux manuels. Hier donc, j'étais en train de faire de la poterie dans mon salon. Un truc assez dur, hein. J'essayais de faire le nouveau visage de Paul Lou Sulitzer. Oui, ça me détend de faire des trucs sans vraiment de forme connue quand je suis sous pression. Quand d'un seul coup, on sonne à ma porte. Je vais ouvrir et là, oh, surprise. Amélie Mauresmo habillée en postière qui était plantée sur mon paillasson. Je lui demande ce qu'elle veut, elle me répond « Bonjour, c'est pas tout ça, mais je suis pas la seule dont tu dois t'occuper pour Roland-Garros, il y en a une autre qui compte sur toi. » Mais quel autre bordel de chocrotoburne ! Tais-toi, je suis habillée en postière parce que le message que je t'apporte est sous forme de télégramme enregistré. Et puis elle sort le magnéto. Attention, j'y vais. Salut Helmut, c'est Serena Tyson-Williams qui t'envoie ce message. J'ai comme l'impression que tu m'as oublié, fils de pute. Si tu crois que je vais me laisser faire, tu te mets le manche dans l'oignon. Comme tu le sais, et comme je le sais aussi, t'es chaud du goumi. J'ai décidé de me déplacer, de te motiver. Je viens à ta rencontre. Ce sera chez toi, nu, nu comme un verre à 14h. Le sourire aux lèvres m'est figé, je regarde ma montre. Ah, 13h55, plus que 5 minutes avant l'arrivée de la matraqueuse dans mon nid douillet. Ni une ni deux, je chope Amélie par la casquette et je lui dis « Allez, allez, allez, tu vas m'aider à ranger le bordel. » Elle me répond qu'elle n'est pas en tenue adéquate, elle va dans la salle de bain et elle revient en sous-vêtements. Elle me dit qu'elle est prête. Pendant que je passais l'aspirateur, elle faisait mon lit d'une drôle de façon, Christophe. Elle se tortillait dans les draps en gémissant. Je fais « Oh, Amélie, un petit effort, hein ?» Oh, 2 minutes, j'ai un truc, dans 2 minutes, pardon, j'ai un truc, mi-femme, mi-taureau qui vient à la maison, alors un petit effort encore, s'il te plaît. Elle me répond, oh, s'il te plaît, Helmut, fais-moi l'amour comme le facochère le fait à la loutre, je t'aiderai à tout ranger. Je fais appel à mon légendaire self-control, et je lui rétorque que nous aurons tout le temps un peu plus tard pour batifoler. Elle assiste, elle me dit, s'il te plaît, mon sang brasse d'amour, je suis une petite balle jaune de plaisir qui attend ton puissant service, vas-y, fais-moi péter la feutrine. Je me mets à trembler. Et j'attaque tel un grand fauve, le tout avec comme fond sonore les lacs du Connemara, bien sûr. Et puis, en pleine séance de radada, la sonnette résonne. Je vais ouvrir. C'était ma concierge, Madame Pedrosa, qui venait se plaindre. Apparemment, ça faisait une demi-heure que je me frottais au mur de façon indécente avec une raquette à la main. J'étais en train de faire un rêve, les amis. Non, mais c'est dingue. Il n'y avait pas plus d'Amélie Mauresmo que de grosses sérénades Tyson Williams à l'horizon. Alors du coup, histoire de calmer mes ardeurs et ma frustration, moi et ma raquette, on a chopé Madame Pedrosa. Je peux vous dire qu'elle a été vite faite se plaindre, la bougresse. Hein. Il paraît qu'elle se balade même en short dans les escaliers, elle dit à tout le monde de l'appeler Navratilova. Oh, après coup, je me suis aperçu que dans mes ébats, j'avais fait tomber ma poterie du visage de Paul Lou. Quand j'ai ramassé et remis sur le socle, oh, le choc. En tombant par terre, la terre molle s'est écrasée au niveau du front, et du coup, c'était hyper ressemblant. On aurait cru le vrai. Bon, je vous laisse cette fois, faut vraiment que j'aille m'occuper de Serena, et après je reviens pour... Vous savez quoi, le truc avec les voisins, là. Ah, je vais les faire chier sur le palier. Au revoir, Zen.